tous ses enfants. Pas un seul ne rit. Jusqu'en 1905, la loi permettait d'envoyer les enfants à la mine. Ce n'est qu'à ce moment qu'on interdit le travail en dessous de 8 ans. Ils s'en vont. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine, innocents au bagne, ils travaillent. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Jamais on ne joue. Ils ne comprennent rien à leur destin. Ils ne comprennent rien à leur destin. Et la malédiction résonne. Si un bon indien est un indien mort, le bon esclave est l'esclave vivant. Notre société du profit n'a plus besoin d'envoyer à la mine l'enfant roi qui est né, bien plus rentable comme consommateur. Quelle est fraîche cette chair, abrutie par la pub comme déjà hachée. À vendre, espace publicitaire d'un cerveau nettoyé, pour que être devienne consommer. Dessine-moi un mouton, disait le prince enfant. Et l'homme lui dessina une prison. Oh, servitude infâme, imposée à l'enfant. Travaille dans le souffle étouffant, tue la beauté sur les fronts et dans les cœurs la pensée. Travail mauvais, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès qui donne une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mères soit maudit, qu'il soit maudit au nom du travail même. Concitoyen devient consommateur, et sans sommation ne reste que le con. Et c'est par révolte que passe révolution. Non, que procède la révolution, car la révolte est sentiment. La révolution est raison. Je m'éloigne de plus en plus des routes balisées de la légalité, empruntant ces chemins caillouteux allant des cimes aux précipices. Tantôt chasseur de temps, tantôt dormeur du val, je suis chassé par les gardiens de l'ordre et du fric. Je ne veux qu'être conjugué au présent, anéantir l'imparfait. Il me faut encore grimper, descendre, et puis vivre, et puis lutter. La décision, le choix, c'est aussi cela, être libre. Et selon le degré de liberté, la chasse s'organise. Le mistral ici et là affole les moulins. Les Don Quichotte sont imberbes et courent la rue, se battent et s'abattent au gré du vent et de l'ordre armé. Face au vent, il faut courber les chines et résister. Résister! Nous étions ce groupe parmi tous les groupes, les bandes, les associations de malfaiteurs, bien sûr, qui chantaient la rue et qui, d'un poing rageur, défiaient l'ordre, les lois, la propriété privée, les valeurs marchandes et quelques autres sacralisées par la domination, l'exploitation. Tu viens d'incendier la bibliothèque ? Oui, j'ai mis le feu. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Mais c'est un crime. Commis tu contre jettes toi-même, une torche enflammée dans le passé. De tout l'esprit humain, tu fais de As-tu la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre? Les livres doivent être comme des haches dans la mer de glace de notre esprit. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Car la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté. Toute cette lumière, c'est à toi, et c'est toi qui l'éteins. Il est ton médecin, ton guide, voilà ton gardien. Ce que tu perds, le livre, est ta richesse à toi. La vérité, c'est le savoir, la vertu, le droit, le devoir, le progrès, la raison, et tu détruis cela. Toi ? Je ne sais pas lire.